sans qu'on ne tient jamais en place. Mais ça plus le tour de nous je vote. Dans nos échecs que ton acide qu'on fait, une blague, une rime ou une insulte. On voit la cible mécanique qui se morcelle. Pour me suffire et bien souvenir au cabinet. Ne pensez qu'à faire bouger le son, tout en mouvement, tout en action. Ne pensez qu'à faire bouger le son, tout en mouvement, tout en action. Ne pas laisser le temps nous rattraper, niquer la mort et lui faire des pieds nés. Vivre sa vie et devenir immortel, y'a pas plus fort en tout cas de jouer. On voit la cible mécanique qui se morcelle. Souffrir et mieux souffrir au cabinet. Ne pensez qu'à faire monter le son, tout en mouvement, tout en action. Ne pensez qu'à faire monter le son, tout en mouvement, tout en action. On voit la cible mécanique qui se morcelle. Pour souffrir et mieux souffrir au cabinet. Ne pensez qu'à faire monter le son, tout en mouvement, tout en action. Ne pensez qu'à faire monter le son, tout en mouvement, tout en action. Ta trajectoire elliptique, astro-mancale ou aéritique. La musique pour qui nous arrache la tête, porte à désarticuler en pleine fête. On voit la cible mécanique qui se morcelle. Pour subir et nous subir au cabinet. Ne pensez qu'à faire monter le son, tout en mouvement, tout en action. Ne pensez qu'à faire monter le son, tout en mouvement, tout en action.